Papa, promets-moi de laisser venir l'église à ton chevet. Jamais, répondit Crevel. Que voulez-vous? J'ai sucé le lait de la Révolution. Je n'ai pas l'esprit du baron d'Holbar, mais j'ai sa force d'âme. Je suis plus que jamais régence, mousquetaire gris, abbé du bois et maréchal de Richelieu, sacrebleu. Ma pauvre femme qui perd la tête vient de m'envoyer un homme à soutane. À moi, l'administrateur de Béranger, l'ami de Lisette, l'enfant de Voltaire et de Rousseau. Le médecin m'a dit pour me tâter, pour savoir si la maladie m'abattait. Vous avez vu monsieur l'abbé? Eh bien, j'ai imité le grand Montesquieu. Oui, j'ai regardé le médecin. Tenez, comme cela, fit-il en se mettant de trois quarts, comme dans son portrait, étendant la main avec autorité. Et j'ai dit, cet esclave est venu, il a montré son ordre et n'a rien obtenu. Son ordre est un joli calembour qui prouve qu'à l'agonie, monsieur le président de Montesquieu conservait toute la grâce de son génie, car on lui avait envoyé un jésuite. J'aime ce passage, on ne peut pas dire de sa vie, mais de sa mort. Ah, le passage, encore un calembour, le passage Montesquieu.